franceinter.com. Ce sont des événements inconnus, ou presque. D'autant plus qu'ils ont été occultés par la guerre d'Algérie qui occupait alors l'esprit des Français. Mais une autre pacification, puisque tel était le nom officiel attribué aux opérations algériennes, était à l'œuvre au Cameroun, beaucoup plus discrètement, et pourtant elle finira par provoquer la mort de milliers de personnes. La semaine passée, M. X a commencé d'en parler. Je résume à grands traits. Le Cameroun n'est pas une vraie colonie, mais un territoire dont la tutelle a été attribuée par l'ONU à la France. Très vite, un mouvement indépendantiste voit le jour, l'UPC, c'est-à-dire l'Union des Populations du Cameroun. Son leader est un personnage charismatique, Ruben Oum Niobe, un ancien fonctionnaire mystique mais féru de marxisme. À plusieurs reprises, Niobe et les siens ont revendiqué la fin de la tutelle française et donc l'indépendance, en vain. En pleine guerre froide, Niobe fait peur car on le dit crypto-communiste. Et si la France de la 4e République envisage à terme l'indépendance du Cameroun, elle n'entend pas confier les rênes du pouvoir à ce dangereux révolutionnaire. Après quelques épisodes sanglants qui ont opposé la troupe aux indépendantistes camerounais, Niobe a finalement décidé de prendre le maquis et donc d'organiser la lutte armée, tandis que d'autres chefs de l'UPC ont choisi l'exil. Fin 1957, l'administration coloniale, malgré le statut d'autonomie interne qui a été attribué au Cameroun, opte pour la répression. Dans les régions où se sont implantés les maquis de l'UPC, les pays Bamileke et surtout Bassa, les habitants sont regroupés dans des villages contrôlés par l'armée le long des grandes voies de communication. L'objectif, c'est de couper les maquisards de leur base populaire. Puis, les militaires, commandés par des officiers français, entreprennent d'éradiquer les maquis par la force. Et c'est une véritable chasse à l'homme qui commence. Clairement, il s'agit d'éliminer Niobe. Monsieur X poursuit dans quelques instants et révèle les secrets de cette sale guerre qui ne veut pas dire son nom et qui passe inaperçue en métropole. Bye. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Fin mai 1958, le général de Gaulle revient aux affaires à la faveur du coup d'Alger. Ouais. Et ça change quelque chose pour le Cameroun, hein ? Oui, parce qu'un homme prend en charge le dossier africain, Jacques Foccart, l'un des artisans du retour au pouvoir du général et surtout un personnage qui, depuis longtemps, s'intéresse à l'Afrique et y a tissé de véritables réseaux. Foccart connaît tout le personnel politique africain et il entretient des liens personnels avec la plupart des dirigeants ou futurs dirigeants. Mmh, mais il a été député d'ailleurs de l'Union française, l'Assemblée de l'Union française. Et c'est lui qui va construire et contrôler ce qu'on appellera un peu plus tard la France-Afrique. C'est-à-dire un vaste ensemble de pays africains francophones qui, en dépit de l'indépendance qui va leur être accordée en 1960, continueront à dépendre étroitement de la France. Mais nous en avons souvent parlé, inutile d'insister peut-être. Alors, le Cameroun. L'entrée en scène de Foccart ne peut que satisfaire les militaires et les fonctionnaires français qui se trouvent là-bas. Et d'abord parce que ces hommes se connaissent, et ils se connaissent bien pour avoir fréquenté les mêmes cercles. Oui, je vois ce que vous voulez dire, les services secrets. Oui, en par effet. Exemple. Oui, Foccart, par exemple, oui, n'a jamais cessé de faire des périodes régulières dans le camp d'entraînement du SDEC, près d'Orléans. Et sous De Gaulle, c'est lui qui, à l'Élysée, aura la haute main sur les services secrets. Foccart est proche du nouvel homme fort du Cameroun, le Premier ministre Heidjo, le dirigeant qui a remplacé Mbida, qui ne donnait pas satisfaction au commissaire Pierre Messmer. Bon, enfin, passons. Heidjo, malgré un caractère un peu rugueux, est un ami de la France. Peu après sa nomination, il a même déclaré que son pays souhaite librement lier son destin avec la France. Ben ça, c'est très explicite. Et il est évident qu'il ne s'opposera pas, bien au contraire, à la pacification entreprise par les militaires français avec la collaboration de soldats camerounais. Pour Heidjo, Niobe est un rival potentiel et un ennemi dont il faut se débarrasser à tout prix. Y compris en le tuant. Pour Heidjo, ce serait en effet la meilleure solution et une victoire symbolique, tant Niobe est devenu une sorte de légende. Et lui, Niobe, il ne doit pas ignorer qu'il est menacé. Bon, hein. Bien entendu, comme il sait aussi que le filet ne cesse de se resserrer autour de lui. D'abord, il a vu certains de ses partisans l'abandonner et renoncer à la lutte clandestine. Ensuite, il est malade, le palu, et la pression militaire est telle qu'il ne reçoit plus de médicaments. Enfin, les acteurs de la pacification marquent de plus en plus de points. Le chef militaire de l'organisation a par exemple été tué en juin 58. Et Niobe, lui, n'a rien d'un chef militaire. Oh non, non, il refuse même d'être armé. C'est plutôt un intellectuel, un homme qui, même au cœur de la forêt équatoriale et malgré la maladie, ne cesse de lire et de noircir jour après jour des feuilles de papier. En tout cas, cette situation, si je vous ai bien entendu, s'aggrave. Et ses déplacements sont de plus en plus difficiles, car il est également en charge d'une famille, une femme et un bébé né en 1957, dans la jungle. Et cette famille demeure avec lui malgré la traque dont il est l'objet ? Et il n'est accompagné que de quelques partisans. En fait, il est évident que les maquis créés par Niobe n'étaient pas de taille à résister longtemps à une armée moderne et puissamment équipée. Songez que, faute d'armes, les maquisards de Niobe en ont été réduits à fabriquer eux-mêmes des fusils rustiques avec un canon constitué d'un simple tube métallique et un système de percussion dont le ressort était en caoutchouc. Pas très prudent. Enfin. Et en face, il y avait des armes automatiques. Quant aux maquis, c'était quelques huttes où habitaient une demi-douzaine de combattants. Rien qui pût vraiment inquiéter les militaires. Et au fond, les maquisards n'avaient pour eux que le terrain d'accès très difficile et qui permettait de se dissimuler. Et aussi quand même le soutien des populations qui étaient demeurées malgré tout sur place. En tout cas, Niobe ne pouvait pas échapper très longtemps aux hommes qui le poursuivaient. Et au début septembre, le leader nationaliste aperçoit que les militaires sont proches. Et il doit changer précipitamment de cachette. Mmh. Où se trouve-t-il alors ? Près de son village natal. Pas très prudent ça. Certes, mais Niobe n'a guère le choix. Et puis là, il connaît bien la forêt, il a des parents dans les environs. Enfin, vous avez raison. Les hommes qui le traquent vont d'abord ratisser en priorité le territoire proche de chez lui. La suite est un peu floue. Ce qui signifie, là ? Selon la version officielle, Niobe, sa femme, son enfant et 4 ou 5 compagnons, fuyant une fois de plus, seraient tombés nez à nez avec une patrouille. Et le leader indépendantiste aurait été abattu en tentant de s'échapper. Mort dans une embuscade, donc. Mais moi, j'ai l'impression que vous n'y croyez pas. Hein. Non, parce que les militaires savaient exactement où se trouvaient Niobe et les siens. Et comment ont-ils fait, alors ? Je suis persuadé que Niobe a été trahi, et vraisemblablement par l'un de ses plus proches compagnons. suborné par des officiers de renseignement français. Un homme qui s'est bien gardé d'être présent au moment où a été abattu Niobe et qui ensuite a rallié le camp du premier ministre Ahidjo. En effet, très louche. Hein. Ouais. Mais attendez, si Niobe avait été très précisément localisé, il était donc possible de le capturer vivant. Hein. Bah, d'autant que ni lui, ni le petit groupe qui se trouvait avec lui ne possédaient d'armes. Et que le pisteur africain qui a guidé les militaires les a menés exactement à l'endroit où Niobe avait provisoirement refuge. Bah, par conséquent, soyons clairs, c'est un assassinat. Bah, c'est ce que je pense. Les soldats avaient reçu l'ordre de le tuer. Même si, plus tard, Focard prétendra qu'il s'est agi d'une bavure. Mmh. Ces militaires-là, c'était qui? C'était des Tchadiens. Que venaient-ils faire au Cameroun là? Ah bah c'était des supplétifs ou des mercenaires, comme vous voudrez. Mais je suis sûr qu'au moment de l'assassinat, les Français ne devaient guère être loin. Je dois aussi vous dire qu'il existe une autre version de la mort de Niobe. Je vous écoute là. Le chef de l'UPC aurait d'abord été blessé, puis on l'aurait ensuite exécuté. Exactement comme, au fond, comme Che Guevara en Bolivie, hein, quelques années plus tard. Tout à fait. Et comme pour Che Guevara, son corps a été exposé quelques instants dans le village le plus proche afin que les habitants constatent de leurs propres yeux que le sauveur, le prophète de l'indépendance, était bien mort. Mais le sauveur, il faut le rappeler, c'était l'un de ses surnoms. Hein. Le Dopol, oui. Ouais. Mais il fallait en finir avec le mythe de son invincibilité. Ça faisait quand même plus de 3 ans que Niobe tenait le maquis. Enfin, quoi qu'il en soit, tant au haut commissariat qu'au gouvernement camerounais, on respire. Et on estime que sans leur chef, les militants de l'UPC vont rendre les armes. Et c'est vrai que beaucoup d'entre eux se rallient et qu'un certain calme prévaut dans le pays bassa. Alors, le chemin vers l'indépendance peut donc être parcouru sans grosses difficultés. Grâce à Amadou Ahidjo, le meilleur ami de la France et particulièrement de Jacques Focard. Ahidjo qui deviendra presque naturellement le premier président de la République camerounaise. Mais cette satisfaction n'aurait jamais dû faire oublier qu'il y avait toujours des nationalistes en exil. Ah oui, les Moumié et les autres. Hein. Oui, ouais. Des dirigeants beaucoup plus radicaux que Niobe et qui ne pourront jamais soutenir un gouvernement camerounais entièrement aux mains des Français. Alors, qui sont donc décidés à combattre Ahidjo. Y compris par les armes. Et après la proclamation de l'indépendance, au début 1960, on commence à observer des troubles. Et non plus en pays bassa, mais en pays bamileke, la région d'origine du docteur Félix Moumié. Il y a donc quand même une dimension tribale. Bah, hein. Comme dans tous les pays africains, c'est incontournable. Mais le colonisateur a utilisé à souhait les rivalités tribales. Et l'administration a trop souvent prétendu que le conflit était ethnique pour mieux dissimuler sa composante politique. Toutefois, passons. L'assassinat de Niobe n'a donc pas abouti à la pacification tant espérée par Paris et Ahidjo. Il va falloir à nouveau envisager de prendre des mesures radicales. Et ça commencera par un nouvel assassinat. Namakasi ya Nzambe, namakasi ya Nzambe, ganga kisi abimeli bango. Namakasi ya Nzambe, ganga kisi abimeli bango. Namakasi ya Nzambe, akomi kote isambile. Sabango mayele ya mokili akomi kote isabilenge kopesa bango makasi pe mpiko na makasi ya Nzambe ganga kisi abimeli bango na makasi ya Nzambe ganga kisi abimeli bango Akomi kote isambilenge Kopesa bango mayele ya mokili Akomi kote isambilenge Kopesa bango makasi pe mpiko Babikisa mokili pe bomo ibo bato Babikisa mokili pe bomo ibo bato Nzambe apambola bango Nzambe apambola bango Bazala nzoto kolongono Bazala nzoto kolongono Kolongono. Sabilenge Kope sabango mayele ya mokili Akomi kote isabilenge Kope sabango makasi pempiko. France Inter, rendez-vous avec X. À ce stade du récit de Monsieur X, il n'est pas inintéressant de se reporter au livre de mémoire de Maurice Delaunay, l'homme chargé de faire régner l'ordre dans le sud du Cameroun et qui n'a pas hésité à organiser un raid meurtrier au Cameroun britannique afin d'éliminer les chefs de l'UPC en exil. Delaunay, futur ambassadeur, écrit ceci à propos de son expérience camerounaise. Avec un travail passionnant, de responsabilités diverses et dans un environnement très varié, j'avais passé plus de 2 ans et demi dans cette région Bamileke, la plus belle du Cameroun, la plus peuplée, la plus industrieuse. Lorsque je partis de Djang en décembre 1958, je laissais derrière moi une situation détendue. Nous avions fait la démonstration qu'avec une volonté politique sans défaillance et des techniques adaptées, il était possible de dominer et de réduire une rébellion cependant bien organisée qui n'existait aucune fatalité dans l'abandon et dans la résignation de la défaite. Malheureusement, au terme d'une période de quelques mois au cours de laquelle on avait cru devoir ouvrir les prisons et libérer prématurément les hommes qu'on estimait récupérables, un terrorisme larvé devait faire sa réapparition, s'étendre aux régions voisines et même à Douala. Avant d'en venir à cet assassinat que je vous annonçais, il faudra peut-être observer que l'indépendance promise et acquise, effectivement, le 1er janvier 1960, n'a nullement calmé les esprits. Le 30 décembre 1959, par exemple, 2000 combattants de l'UPC armés, de machettes, envahissent un quartier musulman de Douala. Pourquoi là, vous précisez qu'il est musulman ? Parce qu'il est peuplé de commerçants venus du Nord, des hommes hostiles à toute idée révolutionnaire. Et puis c'est le siège de la gendarmerie qui est la cible des insurgés. Ces attaques sont repoussées assez facilement. Mitrailleuses contre machettes, les rebelles n'ont guère la possibilité de résister. Et on compte plus d'une centaine de morts. Le lendemain, c'est à Yaoundé qu'éclatent des incidents, heureusement moins graves. L'indépendance n'a donc rien réglé. Non, il paraît évident, tant à Paris qu'à Yaoundé, qu'il existe un homme à abattre, ce docteur Félix Moumier, qui continue de prêcher la révolte en pays Bamileke et de fomenter les troubles. Oui, mais lui-même ne se trouve pas au Cameroun. Non, il y a déjà longtemps qu'il a choisi l'exil. Chez lui, il ferait certainement une cible trop facile. Comme Niobe, quoi. Alors il voyage, surtout dans les pays non alignés, bien sûr en URSS et en Chine. Oui, car Moumier est marxiste. Il ne s'en est jamais caché. Toutefois, comme il se sent menacé, il prend des précautions. Au cours de ses voyages, il évite, par exemple, de survoler le territoire français ou les pays appartenant à l'Union française. La peur d'un kidnapping aérien. Il n'a pas oublié la mésaventure qui est arrivée à Ben Bella et à ses amis. C'est-à-dire le détournement de leur avion par l'aviation française. Par conséquent, Moumier multiplie les mesures de prudence. Un mot, bref, mais peut-être sur cet homme. C'est un révolutionnaire, un Lumumba camerounais. Un type intelligent, débordant d'énergie. Sans doute moins charismatique que Niobe, mais capable néanmoins d'entraîner beaucoup de gens derrière lui. Et c'est ça qui inquiète Aïdjo. Car Moumier considère que l'indépendance du Cameroun est une fiction. Pour lui, c'est toujours Paris qui tire les ficelles dans son pays. Politiquement, mais surtout économiquement. Oui, donc il faut l'éliminer, quoi. En effet, parce qu'on pense que s'il disparaît, ses partisans privés de chef renonceront à la violence. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Et pour réaliser une telle opération, il faut faire appel à des spécialistes. C'est pourquoi on va se tourner vers les experts du SDEC. Ouais, les services secrets français. Oui, au SDEC, on ne manque pas d'expérience. Dans la lutte contre les marchands d'armes qui équipaient le FLN algérien, les agents secrets français ont rivalisé d'ingéniosité et ont même mis au point des matériels très sophistiqués. Oui, mais vous m'avez toujours dit qu'une opération homo, c'est bien comme ça que ça s'appelle. Tout à fait. Ouais. Et une décision pareille, m'avez-vous donc dit, ne peut être prise qu'au plus haut niveau, car il s'agit d'un assassinat au nom de la raison d'État. Effectivement. Alors, dans le cas de Moumier. Je pense que Focard n'a pas dû être étranger à cette prise de décision. Focard, qui ne l'oubliait pas, avait un bureau à l'Élysée et s'entretenait quotidiennement avec le général de Gaulle. Alors le général aussi ? Non, pour lui, c'était des questions subalternes. Il avait entièrement confiance en Focard pour régler ce genre de détails. Parce que vous appelez ça un détail, vous ? Bon, ce n'est qu'une façon de parler. Alors, voyons concrètement comment ça va se passer. Je vais vite parce que nous avons déjà évoqué cette affaire. L'idéal pour le SDEC serait de liquider Moumié en Afrique, dans l'un de ces pays dits progressistes où le leader nationaliste se rend souvent. La Guinée. Oui, ou le Ghana. Mmh. On pourrait alors prétendre que Moumié a été victime d'une rivalité interne dans son parti. Mais l'occasion ne se présente pas. Par contre, dans les services, on apprend que le Camerounais va se rendre en Suisse. Seulement, une intervention en Suisse, c'est quand même délicat. Pourquoi ? Oh, parce que nos amis helvètes sont excessivement susceptibles et n'apprécient guère qu'un service secret opère chez eux, surtout quand il s'agit d'une opération homo. Faut donc être prudent. Aussi est-il imaginé un processus ingénieux, un empoisonnement différé. C'est-à-dire ça ? Moumié serait empoisonné en Suisse, mais irait mourir ailleurs. Ah oui, et le poison ? Du thallium. Une substance qui tue son homme en quelques jours, mais dont les effets ne se manifestent pas immédiatement. Et pour piéger le Camerounais, les agents du SDEC se servent de son goût pour les jolies femmes et les boissons alcoolisées. Un dîner lui est offert par un soi-disant journaliste sympathisant, mais il va se produire un cafouillage. Votre journaliste, c'est un agent du SDEC, c'est ça, hein ? Oui, ouais. Oui. Alors, rappelez-moi là, les circonstances. Là. Au restaurant, Moumié est appelé au téléphone. Un coup de fil prévu. Bien hein. Évidemment. Ouais. Conformément au plan prévu, l'agent verse le poison dans le verre d'apéritif de Moumié. Mais celui-ci, lorsqu'il revient à table, ne boit pas. L'homme du SDEC doit donc improviser et verser une seconde dose de poison dans le verre de vin du Camerounais. Et là, il prend des risques. Parce que ce qu'il ne pouvait pas prévoir, c'est que Moumié, finalement, revient à son apéritif et le boit. Puis il ingurgite d'un trait son verre de vin. Ah, il est donc deux fois empoisonné. Et la nuit même, il commence à souffrir. Médecin, il comprend vite qu'il a été empoisonné. C'est ce qu'il dit avant de sombrer dans le coma. Alors, il va mourir en Suisse. Ce que voulait surtout éviter le SDEC. Résultat, l'équipe des services secrets est identifiée par la police suisse et la France est mise en cause. Et joli cafouillage, en effet. Et ce ratage est d'autant plus affligeant que la mort de Moumié, contrairement aux espoirs du président Aïdjo, ne met nullement fin aux troubles qui agitent le pays bamiléké. Bien au contraire. Des violences éclatent un peu partout. Et il n'est pas exagéré de dire que c'est toute la région qui se soulève. Un observateur fiable a même affirmé que c'était plus de 400 000 Bamilékés qui étaient entrés en résistance contre le pouvoir. Et comment expliquer ça alors ? Oh, c'est très simple. L'UPC joue sur les frustrations des paysans et réclame une réforme agraire. Je vous explique. Le pays Bamiléké est surpeuplé. Or là-bas, le régime foncier est encore archaïque. Ce sont les chefs traditionnels qui possèdent la terre. Et les véritables exploitants ne sont donc que des métayers, presque des serfs. Ils sont donc très sensibles au slogan de l'UPC qui leur promet d'en finir avec ce système injuste. Et ça, c'est un particularisme bamiléké ? Oui, mais au sein du Cameroun, cette ethnie qui a toujours détenu les pouvoirs économiques occupe une place à part, à tel point que certains ne considèrent pas les bamilékés comme de vrais Camerounais. D'ailleurs, des spécialistes de l'histoire de l'Afrique n'ont pas hésité à faire la comparaison avec le Rwanda. Les Hutus et les Tutsis. Les Bamiléké étant en quelque sorte les Tutsis du Cameroun. Et comme vous pouvez aisément l'imaginer, la colonisation n'a guère contribué à atténuer cette hostilité latente. Divisé pour mieux régner. Forcément. En tout cas, cette dissidence prend une ampleur que même les révoltes en Pays Bassan n'avaient pas atteinte. Et la situation est d'autant plus inquiétante pour le pouvoir camerounais et son tuteur français que de nombreux États africains, nouvellement indépendants, prennent fait et cause pour les rebelles. Ils sont même en majorité à l'ONU. Il va falloir donc entreprendre une autre campagne de pacification. Pacification, oui. Entre guillemets. Hein. Oui, oui. Mais cette fois, la position de l'armée française est plus délicate. Ah oui, à cause de l'indépendance. Bien entendu. Oh, certes, il existe un accord de coopération militaire, comme avec d'autres pays africains, mais en général, ces accords prévoient l'assistance française en cas d'agression extérieure. Oui, cependant, là, il s'agit d'une question purement intérieure. Car les Bamilékés, même s'ils sont peu appréciés par les membres des autres ethnies, sont des Camerounais à part entière. Mais, attendez, pour justifier l'intervention militaire française, il y a toujours la fiction qui consiste à prétendre qu'on est venu au secours des Européens menacés par les rebelles. Et c'est vrai que l'argument a souvent servi, pas seulement aux Français, hein, faut bien le reconnaître. Mais il y a aussi pour masquer la véritable action des militaires des missions d'assistance. Ouais, ou de formation des troupes locales. Ouais. Toutefois, dans le cas présent, je ne crois même pas qu'on ait fait valoir ces prétextes. Non, non, l'armée française va mener cette prétendue pacification sans faux semblant. Parce que je vous l'ai dit, la guerre d'Algérie occulte tout le reste. Et que personne ne s'intéresse vraiment au Cameroun. Les militaires français vont donc non seulement sauver le pouvoir du président Aïdjo, mais selon les mots même du Premier ministre Michel Debré, ils vont se livrer à une vraie reconquête du pays bamiléké. Rendez-vous avec X, rediffusion. Que voulaient exactement les dirigeants nationalistes de l'UPC ? Deux jours avant la proclamation de l'indépendance, ils publient la déclaration suivante. Notre position est claire et nette. L'indépendance actuelle ne répond nullement aux objectifs poursuivis par l'UPC dès sa naissance. À partir du 1er janvier prochain, le Cameroun jouira d'une indépendance nominale, loin d'être un instrument indispensable au plein épanouissement du peuple, elle sera au contraire le carcan au moyen duquel les agents du colonialisme et de l'impérialisme continueront à le tenir prisonnier dans son propre pays. Ce peuple continuera à aller nu et à mourir de faim dans un pays qui regorge de ressources économiques considérables. L'analphabétisme persistera. Par conséquent, la révolution doit continuer sur des thèmes précis. Premièrement, l'indépendance réelle. Deux, restauration et respect des libertés démocratiques. Trois, terre à ceux qui la cultivent, en l'occurrence les paysans. 4. Bien-être des travailleurs. L'homme qui est chargé de cette reconquête est un général français qui a été rappelé exprès d'Algérie où il exerçait un commandement. Son nom ? Le général B. Ce colosse qui n'a pas la réputation d'être un tendre, on l'appelle d'ailleurs le viking, est un ancien de la guerre d'Indochine. Mais pourquoi ne pas donner son patronyme ? Vous comprendrez mieux après. Ah bon ? Donc ce, appelons comme ça, ce général B. A déjà une expérience de la guerre révolutionnaire. Et il va disposer de moyens importants. 5 bataillons, un escadron de blindés et un autre de chasseurs-bombardiers T-26. Mais c'est une véritable armée, ça. Seule contrainte pour B et ses hommes, ils doivent en principe agir sous le contrôle des autorités camerounaises. Un contrôle forcément tatillon, car Yaoundé apprécie peu d'avoir été obligé de faire appel à l'armée française si peu de temps après l'indépendance. Dans les faits, le général B s'abstiendra parfois d'en référer aux Camerounais quand la situation sur le terrain l'imposera. Oui. Concrètement, cette pacification, cette reconquête, commence quand ? Le feu vert est donné au début 1961. L'objectif est double. Il s'agit d'abord d'isoler la zone. Pour empêcher la contagion ? Et éviter que des rebelles ne fuient. Et c'est seulement ensuite que le général va briser manu militari, l'insurrection, et restaurer peu à peu l'autorité de l'administration camerounaise. Bon, autant le dire tout de suite, les opérations militaires vont être menées avec une rare efficacité, mais aussi avec une rare brutalité. Villages incendiés ou rasés, prisonniers exécutés, cadavres exposés sur la place publique pour terroriser ceux qui résistent encore. On utilise même le napalm. C'est la politique de la terre brûlée. Oui. Et les autorités camerounaises ne sont pas les dernières à approuver ces méthodes expéditives. Et même à recommander une application encore plus sévère. Certains témoins ne pourront pas s'empêcher de faire la comparaison avec Oradour. À tel point que des officiers français avoueront plus tard. On a frappé trop fort et on aurait pu obtenir le même résultat avec d'autres moyens. Une sévère critique du commandement. Et le bilan alors ? Oh, il est terrible, comme vous pouvez l'imaginer. Fin octobre 1961, le général B, lui-même, donne des chiffres. Il déclare que 3000 rebelles ont été tués et qu'une trentaine de soldats français ont également péri. Ouais. Des chiffres qui ne sont pas comparables. Hein. Mais les moyens des uns et des autres n'étaient pas non plus comparables. D'un côté, quelques vieux fusils, des machettes, des sagaies, et de l'autre, des avions, des blindés, des mitrailleuses. Non, c'était un combat disproportionné. Et encore, les chiffres donnés par le commandement français ont-ils été minorés? La plupart des gens sérieux parlent, eux, de 40 000 morts, Bamileke. Un massacre, alors? Oui, un vrai massacre. Et qui restera ignoré pendant des années et des années. En tout cas, assurément, l'une des pages les moins glorieuses de l'histoire de l'armée française. Pardonnez-moi, mais ce que je n'arrive toujours pas à comprendre, c'est le silence qui a entouré ces longs mois pendant lesquels nos militaires ont participé à cette sanglante répression. La guerre d'Algérie explique-t-elle à elle seule ce blackout? Moi aussi, j'ai du mal à trouver une explication. Parce qu'il faudrait aussi parler de la torture et des camps d'internement où l'on enfermait les rebelles capturés. Peut-être qu'on ne voulait pas savoir. Franchement, je ne sais pas. Mais en Afrique, on meurt dans la plus grande discrétion. Un mort, 10 morts, 100 morts, quelle importance. Et puis les acteurs de ce massacre ont fait en sorte que le secret soit bien gardé. Un secret honteux. Et quand rarement ces événements sont évoqués, on parle seulement de lutte contre des bandits ou des voyous. Mais pas de répression politique. Un seul exemple. En 1964, je crois, un député communiste français, sans doute bien informé, pose une question écrite au gouvernement sur l'intervention de notre armée au Cameroun et l'action du général B, là-bas. Il lui répondit non pas sur le fond, mais sur la forme. Il est interdit de mettre en cause nommément un haut fonctionnaire dans une question écrite. Et l'on n'en parlera plus. Ah oui. Comme on ne parlera guère des victimes du train de la mort. Le train de la mort, de quoi s'agit-il là? Au début de l'année 1962, capturés par les militaires, une cinquantaine de militants de l'UPC sont embarqués à la gare de Douala dans un fourgon métallique hermétiquement fermé. Il y a aussi parmi eux quelques femmes et des enfants. Mais quand le convoi arrivera en gare de Yaoundé, on s'apercevra que 25 d'entre eux sont morts par asphyxie. Aussitôt, les cadavres sont escamotés et jetés dans une fosse commune. Et c'est le silence? Pas tout à fait. Des survivants parviendront à alerter des membres de l'Église catholique qui publieront l'affaire dans une de leurs publications. Mais ces catholiques ne tarderont pas à être expulsés et malgré la promesse d'une enquête, plus personne n'entendra parler de ce drame. Cette opération de reconquête, là, utilisons toujours ce mot, se termine quand? Pour les Français, à la fin de l'année 1962. Et à cette date, peut-on dire, cyniquement, que le problème est réglé? Non, même si le plus gros du travail a été fait. Entre 1962 et 1964, c'est l'armée camerounaise qui prend la suite des Français. Ouais, nouveau massacre. Et nouvelle désolation en pays Bamileke. À tel point que des témoins, je pense notamment à un pilote d'hélicoptère français, ont prononcé le mot de génocide. Mais là encore, même si les militaires français n'interviennent plus directement sur le terrain, puisque le corps expéditionnaire a été rapatrié, la responsabilité de notre pays est encore engagée. De quelle façon? Parce que, outre le fait que le président Aïdjo est entouré de conseillers français, nous avons formé des hommes au Cameroun, des spécialistes comme le commissaire Fouchivet, un pur produit de nos services secrets, et qui restera toute sa vie un honorable correspondant. Correspondant du SDEC. Et ce type redouté et tout-puissant dans son pays finira d'ailleurs par créer une sorte de succursale du SDEC au Cameroun. Avec l'aide technique, bien sûr, de quelques-uns de nos agents, Fauchivet, qu'on surnommera le père Fauche, sera l'un des impitoyables artisans de la politique de répression du président Aïdjo. Le train de la mort, c'est lui, par exemple. Ouais. Et tout ça ajoute donc encore à la responsabilité de la France. La France qui, plus tard, toujours par l'intermédiaire de Jacques Foccart, finira par se débarrasser de Aïdjo en 1982, avant de tenter 2 ans plus tard, par un coup d'État avorté, de le réinstaller au pouvoir. La France-Afrique, toujours. Mmh. Et qu'est devenu ce Fauchivet? Eh bien, quand Aïdjo a été chassé du pouvoir par son premier ministre, Biya, Fauchivet s'est immédiatement rangé derrière le nouveau chef de l'État. Et il restera le patron des services secrets qu'il dirigera de 1960 à 1997. Ah, c'est une sorte de record, ça. Autant dire que Fauchivet connaissait tout, sur tout le monde. Et ça lui a peut-être coûté la vie. Pourquoi il a été assassiné? Je ne sais pas. Mais écoutez bien. Début avril 1997, il semblait en parfaite santé. Toutefois, 6 jours plus tard, après avoir été convoqué par un conseiller du président Biya, il est mort subitement. Ah oui, alors forcément, on peut se poser des questions. En tout cas, dites-moi, ça rappelle là, ce qui vient d'arriver au chef des services secrets syriens hein ? Oui, il y a parfois des secrets tellement lourds à porter qu'ils vous font directement choir dans la tombe. Michel Debré, dans ses mémoires, donne, non-en certain cynisme, l'explication du silence qui a entouré les événements du Cameroun. Et il s'en réjouit ouvertement, je le cite. L'intervention militaire de la France au Cameroun est peu connue. L'attention des journalistes n'a pas été attirée par la décision que j'ai prise et son exécution qui se prolonge pendant plusieurs mois. Jusqu'à présent, les historiens ont fait preuve de la même discrétion, cet oubli, et sans doute dû au fait que cette intervention militaire s'est terminée par un succès. Un succès selon le Premier ministre du général de Gaulle, et pourtant, il y aura encore des troubles sanglants au Cameroun, en particulier en 1991, où des manifestants Bamileke réclamant un peu plus de démocratie seront tués par la troupe. Ce qui permettra à Pascal Krop, dans l'événement du jeudi, d'écrire ceci. Tous les dirigeants de l'UPC, sans exception, seront assassinés. Le 5 mars 1966, le maquis de Sendé, le nouveau secrétaire général de l'UPC, est encerclé. Le chef réussit pourtant à s'échapper, mais cet intellectuel, mal adapté à la rude vie de brousse, perd en courant ses deux paires de lunettes et ses sandales. Il errera dans la forêt pieds nus, en aveugle, pendant plusieurs jours avec un seul compagnon, avant de tomber sur la fatale patrouille qui rafalera sans autre forme de procès les deux hommes. En 1971, Ernest Ouandier, le dernier chef des rebelles, est enfin publiquement exécuté à Bafoussam sur ordre du président Aïdjo. Répression sauvage qui ne mènera à rien. Elle n'aura même pas servi, les récents événements le prouvent, à raffermir l'unité du Cameroun, comme l'ont trop souvent proclamé nos distingués africanistes. À samedi prochain, je vous rappelle que sur notre site franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission et obtenir aussi des renseignements sur ce problème.